Reste du connard. Hey, mais le crack, mais rien est de rêve. Non, j'ai des pirates ballons. Rêve, alors fiche, rêve, fiche, et d'en va. Marie, Mouni, Pratt, Masson, c'est rien, mais comme Jean, mère du panique, c'est long, vous, et j'ai un long pénal, mais non, si tu mets cette taille-là, top, pas top, je ne me rends pas tape, mais le strophe, je rame, j'attrape le sol, attaque, me moque, donc que je nagera, et si fini, que je nave, et bah, que je nagera, il n'a que je n'assise, et si je suis un ragnava, et son frère, j'ai des zim, et des phénomènes, mais je suis moche, du sale, j'ai fait ce nom, une ouvrage, une riche, non, pour eux. Une belle baille de monnaie est une urca femme, moi, pas une autre femme, non. Et trop marré, c'est le GSA, les théories et tu fus pas reçu, non, et ça pour vous, mon mais tu sais, ils font, et disent, une belle dracule, un tabac, juste lettre en misoulage, en votant à ma de la grouche d'eau, à aveu le rêve, trop matin, d'acquis d'elle. Serve d'oral, ça chute, ma mort, j'en rédique, ça envahit, ça nactalise, bloqué de trafic, bloqué la avis, bloqué de vous, bloqué des seins, subtilé, c'est ça, il a sans pas sans peu, le mot fait ça, pas de russe, trop, j'aime, j'attrape le col, attaque, mon moque, non, que je mangerai, il suffit de bouche, merde, il va, que je mangerai, n'a que je s'insile, ma sain, ma mort, pas le de knap, sortant de sa vie, c'est relou, non, me le faisait. Très bien, allez, je suis encore échoué pour moi, je suis toujours sans pas. Oh, y'a le loup, osé, rélos, oxy. Ah, moi, je suis toujours malade, non, je suis moi, je suis juste cachot. Moi, je salue, mais c'est des fèches. Moi, je salue, moi-même. Ici, normal, j'ai mis ma zélus, drape, mis la légende. Je sais, je dis ça, le kévou, peu, mon péché, péché. Et le bouc, j'ai eu des jets, bouc, j'ai eu des jets. Et que je dors comme mes Eulopéas, il va me reste là, et la nuit, et ça me roule. Et ça fait d'âme, il se mourra, ça fait une richesse. Oh, ça, justice, cachot. Oh, ça, oh, ça, mais reste dans mon nom, mon ami, je me nomme, mon nom, va, et si je me sous tout. Et je serai mes grosses, moi, je sais, je dis ça, moi, je me soutiens, je me neige, je traite, non, me le sagrange. Et il bouille, j'y bouille, et ça fait des loges, et font comme, moi, je suis et. Moi je là, moi je sais courir, et maintenant je te tramer, moi je sais recomprendre, il n'a dit que je. Moi je sais net, et c'est, moi je sais juste saler le couche, mais non, je mets, but bam, vous deux, but nal, russe, but nibelé, vive le rna, savana, et juste, c'est la vidéo ballon, et si je laisse un référent, et juste dis ça, c'est ma rap, et ça va, moi je sais juste, ça va, ça va, donc c'est au calage, faut finir, moi c'est quoi, et ça va. Si vous n'êtes pas, si il reste trop, si je donne le normalisme, si faut, il y en a plus.